I'm not in the red, buddy. Get back here. Сука, блядь! nigga, man, what the fuck is you slowing down for, nigga? Drive this motherfucker home. Bro, nigga, damn. We ain't get nowhere. We'll get nowhere, man. Drive like fuck a little you, drive like a little bitch, man. You ain't driving this motherfucking daily, nigga. Just roll, nigga, shit. De voir comment se développe cet environnement vraiment hostile. Savoir vraiment parfois. Comme après un rêve pénible. Viens, on va voir d'autres jeux. Come on.